suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants clever words. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freaks. C'est la 179e et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Eh oui, la tribu, c'est Spike et c'est Vampire Freaks comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. Merci pour vos petits messages que vous m'avez laissés sur l'émission de la semaine dernière. Alors cette semaine, il y aura plein de trucs. Il y a du nouveau, il y a du live, il y a pas d'exclus, mais il y a du très bon. On commencera tout de suite avec Eye for an Eye de Lee Aaron. C'est sur l'album Call of the Wild, son troisième album, sorti le 27 juin 1985. On retrouve Rock Me All Over, Champion et Hot to be Rocked. On continuera ensuite avec Remains to be Seen de Skid Row, c'est sur l'album Subhuman Race, sorti le 28 mars 1995. On retrouve My Enemy, Frozen et Breaking Down notamment, un classique de chez Classic. On continuera ensuite avec une nouveauté, She's Creeping, le nouveau Royal Bull. C'est sur l'album How Did We Get So Dark, leur deuxième album sorti le 16 juin 2017. On retrouve Lights Out, Don't Tell et All In Your Heart. Allez sur la page Facebook de Royal Blood, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera ensuite avec AU de The Abyssinian, c'est sur l'album Arise sorti en 1978. On retrouve Democom, Wicked Man et Oh Lord, du son reggae culte. Et on finira ce bloc en live avec les Allemands de Die Fantastischen Vier et leur chanson Schizophrène. C'est sur le live Heimspiel, sorti en 2009, live à Stuttgart. On retrouve Troy, Du Harsh et Enfertzein. Vous allez voir, ça arrache le bitume. You want to believe, but you're rivalry. But if it's war. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Yourself on the right track. überblich und Dame, siehst dich königlich, doch nicht in mein Gesicht, sondern eher innerlich beschäftige ich dich und mich Schicht für Schicht. Doch was ändert sich? Was ändert sich nicht? Was weißt du nicht? Doch wenn du glaubst, ich verstehe, dass ich Ideen groß kopier, ich mich isolier, fremde Dinge nicht akzeptier. Wenn du glaubst, ich zähle bloß bis vier und trinke nur Bier, ich allen imponier, meinen Namen buchstabier. Doch du glaubst, was du denkst, bei dir glaubst du, was die, ich reagier. Doch ich schreibe auf Papier, was ich denke und philosophier. Denn dies ist mein Revier, weil ich hier das Gesetz diktier. Auch wenn ich's manchmal nicht kapier, mach ich nicht, was ich spekulier bei dir, weil hier nur ich besteh. Wohin ich geh, wo ich beginn, bestimm die Dinge, die ich glaube und auf was ich mich besinn. Ich steh selber mittendrin, du kannst in meinem Ding den Sinn nicht sehen. Nur ich weiß, dass ich bin, was ich bin. Dinge, Wissen, ein ganz anderes Interpretation, Spekulation. Halt, jetzt sagt es, denn die Ansprüche, die du jetzt an andere Leute stellst, sind deine Projektion deiner Person und ein Spiegel deiner selbst. Glaubst du dennoch, du hast mich erkannt? Bin ich arrogant, extravagant? Wer hat dich genannt, das zu entscheiden? Wer ist ignorant? Wer ist tolerant von uns beiden? Nein, interessant, wo ist mein Verstand? Hier in meiner Hand, der Abstand wird nicht kleiner. Oder doch in deiner, oder hat ihn keiner? Doch in meiner Hand, in meiner, du behauptest konstant, penetrant, allerhand. Amüsant, uninteressant, weil nur ich steh. Wohin ich geh, wo ich bin, bestimmt die Dinge, die ich glaube und auf was ich bin, ich steh selber mittendrin. Du kannst auf meinem Ding den Sinn nicht sehen. Nur ich weiß, dass ich bin, was ich bin. Mich zu fragen, was ich kann, woher ich gehe, woher ich stamm, was ich will und was ich kann, was fang ich als nächstes an? Jeder kann die Dinge ändern, doch fang selber bei dir an, weil nur ich bestimm. Wohin ich gehe, wo ich beginn, bestimm die Dinge, die ich glaube und auf was ich mich besinn. Ich steh selber mittendrin, du kannst zu meinem Ding den Sinn nicht sehen. Nur ich weiß, dass ich bin, was ich bin und ich bin so frei. Ah, jusqu'à la dernière minute et des fantastiques Genevieve. Vous êtes toujours dans la 119e Vampire Freaks et on vient de s'écouter Eye for an Eye de Liaron, Remains to be Seen de Skid Row, She's Creeping, le nouveau Royal Blood, AU de The Abyssinian, et on a fini ce bloc en live avec des fantastiques Genevieve. On continuera cette émission avec une nouveauté, Burning in Syria de Antagonism. C'est sur leur premier EP, 6 titres, Trashocalypse, sorti en février 2018. On retrouve Lot, Burning in Syria, Surgical Strike, 49.3, Speedhammer et Point of No Return, une cover de Havoc. Ils sont chez les promotions et ils préparent un album. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube. On continuera avec mes petits chouchous dans le jardin d'Allah de Ludwig von 88. C'est sur l'album Ce jour, heureux et plein d'allégresse, leur troisième album sorti en décembre 90. On retrouve Nous sommes des babas, nous sommes des babas. On retrouve il y a New Orleans et Paris Brutil. On continuera cette émission avec Rock On de Grégory Isaac, c'est sur l'album No Luck, sorti en 1992. On retrouve No Contract, All the Store All Closed et Don't Believe Him. On écoutera ensuite une nouveauté, Nothing to Me de They Might Be Punk. C'est deux titres gratuits sur Bandcamp et il y a un album en cours, des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook et Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Second Skin de The Geats. C'est sur l'album Frenching the Bully, leur deuxième album sorti en 1992. On retrouve Absent, Here's to Your Fuck, Kings and Queens et pas mal de live. Avec d'autres comme Nirvana et Soundgarden, c'est les fondateurs du grunge.

s'adresse à toutes les Françaises, à tous les Français qui m'entendent, les vœux du gouvernement de la République. Ce que nous leur souhaitons avant tout, ce que nous souhaitons à l'Europe et au monde. Rock on, baby. Baby, you set my soul on fire. Yeah. So come on and give me what my heart desire. Don't ever let this feeling grow cold. No. 'Cause you're like a story that's never been told. La da da da da da da da da. Yeah. La da da da da da da da. La da da da da da da da da. La da da da da da da da. Rock on, baby. Now sometimes I sit down and I wonder, what made you really go away? Then I would turn and say to myself, I wonder if you're really going to stay. Baby, don't leave me for another. Don't ever leave me again. Don't ever leave me for another. Yeah. 'Cause you are the sunshine of my life. I said to rock on, baby. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. You don't scare us. Get cracked up. Selling t-shirts and CDs over there. Qu'est-ce que c'était bon ça les Geeks. Vous êtes toujours dans la 119e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Burning in Syria, le nouveau antagonisme dans le jardin d'Allah de Ludwig von 88, Rock On de Gregory Isaac, Nothing to Me, le nouveau They Might Be Punk, et Second Skin en live de The Geeks. On continuera cette émission avec Everything is Boring de Rob Zombie, c'est sur l'album Hellbilly Deluxe 2, sorti le 2 février 2010. On retrouve Sick Bubblegum, Virgin Witch et Burn. Ça fait longtemps que j'en avais pas programmé, ça fait à faire plaisir. On écoutera ensuite Paranormal, le nouveau Alice Cooper, c'est aussi le titre de son 27e album, sorti le 28 juillet 2017. On retrouve Dead Flies, Fireball et You and All Your Friends. Les 6 derniers titres de cet album sont en live. On écoutera ensuite PUNK de J'aurais voulu, c'est sur l'album Partir sans dire adieu de 2004. On retrouve Une pensée, Paranoïa urbaine. Et pour les miens, allez sur la page Facebook de J'aurais voulu, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On continuera ensuite avec Asian Hooker de Steel Panther, c'est sur l'album Field de Steel, leur deuxième album sorti en 2009. On retrouve Community Property, Turn Out the Light et Stripper Girl. On écoutera et on finira ce bloc en live avec Reggae With You de Alton Ellis. C'est sur l'album Still In Live, sorti en 1977. On retrouve Confusion, Breaking Up et I Believe In Love du son culte. Shadow has life of its own. watching you while you sleep all alone. Autant de colère, exorcisé, canalisé. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Continuing the sound of the rock steady, and this one says, it says, hey, lady love, little country girl, reggae is my thing, come on, join my world. Here's one thing that I am begging, begging you. Qu'est-ce que j'aime ça, ces vieux reggae cultes. Vous êtes toujours dans la 119e Bumper Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Everything is Boring de Rob Zombie, Paranormal, le nouveau Alice Cooper, PUNK de J'aurais voulu, Asian Hooker de Steel Panther et on a fini ce bloc en live avec Reggae Review de Elton Ellis. On continuera cette émission avec une nouveauté, Mr. K, de nouveau Black Soul. C'est sur leur premier EP 5 titres, The Contract, sorti en 2017. On retrouve Madhouse, The Contract, Mr. K, Between Night and Day et License to Die. Il sera en concert le 7 avril prochain à Sadrak Metal Fest, deuxième édition, avec Access Tribute to Accept, No Class Tribute to Motorhead. Je ferai une émission spéciale avec interview des groupes et tout ça, ça sera cool. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, All You Can See de Dusk of Delusion, c'est sur l'album Funfair, sorti en février 2018. On retrouve Insanity, White Words et Sharpest Card. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite So Many Questions for Few Answers. C'est aussi une nouveauté de Jacquard Band. C'est sur l'album The Life and Times of Candy Rose, sorti le 15 février 2018. On retrouve Candy's First Date, Dance, Partner in Crime et Walking a Thin Line. Ils ont fait une release party il n'y a pas longtemps. Toutes les infos sur leur page Facebook, donc on les retrouve aussi sur Bandcamp et sur toutes les plateformes. On continuera avec Mes Frères des Salles Majestés, c'est sur l'album Y'a Pas D'Amour, sorti en février 2000. On retrouve Sans Donneur, Les Patrons et Y'a Pas D'Amour, Y'a Pas D'Amour, Y'a Que De La Haine et Des Vautours. Et on finira ce bloc en live avec Astro Zombies de The Misfits, c'est sur l'album Walk Among Us, sorti le 1er mars 1982. On retrouve 20 Eyes, Night of the Living Dead et Brain Eater, un classique de chez Classic.

Moi, j'aime bien aussi les sons live dégueulasses. Vous êtes toujours dans la 119e Vampire Afrique, si c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Mr. K, le nouveau Black Soil, All Can You See de Dusk of Delusion. On a eu ensuite So Many Questions for Few Answers, le nouveau Jacquard Band. On a eu ensuite Mes Frères des Salles Majestés. Et on a fini ce bloc en live avec Astro Zombie. Zombies, de Misfits. On continuera ensuite avec une nouveauté, Captain Cast, le nouveau de Wigar Overdose. C'est sur l'album New York Sous-Bois Rapcore Club, sorti il y a 15 jours. On retrouve NYSB Stumped, Big Fat Uppercut et Kingpin. Allez sur la page Facebook de The Wigar Overdose, ils sont sur Bandcamp et YouTube et toutes les plateformes légales. On écoutera ensuite I'm a Rastaman de Jacob Miller, c'est sur l'album Songbook Chapter a Day, sorti le 14 septembre 1999. On retrouve Howard Chadjiluran, Standing Him et Shaky Girl, entre autres, un super best-of, 33 titres. On écoutera ensuite Étudiant Poil aux Dents de Renon, c'est sur l'album Le Retour de Gérard Lambert, son cinquième album sorti en novembre 1981. On retrouve Banlieue Rouge, Père Noël Noir, Mon Bof et Soleil Monde, écrite par Coluche. On écoutera ensuite I Want to Be Your Girl de The Slakers, c'est sur l'album The Slakers sorti en 1993. On retrouve The Boss, Go Go Go, Things I Can Forget. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Burn It Down de Five Finger Death Punch. C'est sur l'album War Is The Answer, leur deuxième album sorti le 22 septembre 2009. On retrouve Hard To See, Bulletproof et Walk Away. J'ai ouï dire qu'ils composaient une affaire à suivre. Oh!

Let's burn this motherfucker! No! You don't know. I've seen the world through your eyes, and it makes me sick. I'll question all of your answers, 'cause they're fucking lies. I won't conform to that system. I'd rather die. Burn it down. Just to watch it go. Burn it down. So everybody knows. Burn it down. Just to see it fall. Burn it down. I love you fucking all. Put your horns up. Think you're a martyr? It ain't hard to see. You wanna rule the fucking world? You gotta get through. Your eyes instantly broken, no soul to sell. You take a burden from my actions, see you all in hell. I'll burn it down. Do this for myself. Burn it down. For me and no one else. I'll burn it down. Just to see it taunt. Burn it down. I hate it to my core. Make some noise for Jason Hook! On vient d'écouter Captain Cast, le nouveau de Wigger Overdose, I'm a Rastaman de Jacob Miller, étudiant poil aux dents de Renaud, on en a eu ensuite I Want to Be Your Girl de Slaker, et on a fini ce bloc en live crado, Burn It Down de Five Finger Death Punch. Cette 119e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez voir vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Alors la semaine prochaine c'est la 120 et ça sera une spéciale. spécial, ouais, avec les Champignons Électriques, un petit groupe de la scène du Puy-en-Velay à côté de chez moi. On va parler un peu de plein de petites choses. Il fera un peu de programmation, donc on s'attend à une très très belle émission. Cette 119e Vapeur Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vapeur Fix, l'émission radio. Si vous êtes un groupe que vous souhaitez diffuser, contactez-moi sur la page de l'émission. On finira avec un petit classique. Le comptoir en live de Réglisse, c'est sur l'album Vive les gestes, leur premier album sorti le 3 septembre 1992. On retrouve Jama Doc, Le Rocher et le cultissime Mets de l'huile. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et surtout, n'oubliez pas, Vapeur Fix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! Et ton crâne rasé, laisse ton manteau de fourrure à l'entrée. Oublie ta couleur, viens t'asseoir à mes côtés. Parle-moi de ta mère, parle-moi de ta sœur, parle-moi de l'épicière et de son chou-fleur. Parle-moi de Baudelaire, parle-moi de toi. Qu'est-ce que ça peut faire? Garde ta Jaguar de l'autre côté. C'est pas la peine d'avoir le monde sous ton bras. La manade vermouille ici ne servira pas. Reparle-moi de ta mère, reparle-moi de ta sœur, reparle-moi de l'épicière et de son chou-fleur. Reparle-moi de Baudelaire, reparle-moi de toi. Et ton crâne rasé, laisse ton manteau de fourrure à l'entrée. Oublie ta couleur, viens t'asseoir à mes côtés. Reparle-moi de ta mère, reparle-moi de ta sœur, reparle-moi de l'épicière et de son chou-fleur. Reparle-moi.